Quand tu donnes ton cœur à Dieu seul et tu ne fais pas semblant avec lui. Quand tu n'agis jamais pour tromper ceux au-dessus ou au-dessous de toi. Quand t'es ouvert avec Dieu en toutes choses. Quand tu n'agis pas seulement pour gagner sa faveur, son sourire, c'est cela. L'honnêteté, c'est quand tu évites l'impureté dans chaque mot et chaque acte, quand tu ne trompes ni Dieu ni l'homme. L'honnêteté, c'est quand tu évites l'impureté dans chaque mot et chaque acte. Tu ne trompes ni Dieu ni l'homme. Voilà l'honnêteté. Voilà l'honnêteté. Si tes paroles sont remplies d'excuses, de vaines explications, tu ne pratiques pas la vérité. Tu n'as pas envie de le faire. Comment trouveras-tu lumière et salut sans révéler tes secrets? Si tu aimes chercher la voie de vérité, tu vivras toujours en lumière. Let's